50 languages. 31. 31. في المطعم 3. Au restaurant 3. Au restaurant 3. أريد صحن مقبلات. Je voudrais une entrée. Je voudrais une entrée. أريد صحن سلطة. Je voudrais une salade. Je voudrais une salade. أريد صحن حساء. Je voudrais une soupe. Je voudrais une soupe. أريد بعض الحلوى. Je voudrais un dessert. Je voudrais un dessert. أريد بوضة مع القشطة. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. أريد فواكه أو جبنة. Je voudrais un fruit ou du fromage. Je voudrais un fruit ou du fromage. نريد أن نفطر. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. نريد تناول الغداء. Nous voudrions déjeuner. Nous voudrions déjeuner. نريد تناول العشاء. Nous voudrions dîner. Nous voudrions dîner. ما ترغبه مع الفطور؟ Que désirez-vous pour le petit déjeuner؟ Que désirez-vous pour le petit déjeuner؟ خبز مع مربى وعسل. Des petits pains avec de la confiture et du miel؟ Des petits pains avec de la confiture et du miel؟ خبز محمص مع سجق وجبنة. Des toasts avec de la saucisse et du fromage. Des toasts avec de la saucisse et du fromage. بيضة مسلوقة. Un œuf à la coque. Un œuf à la coque. بيضة مقلية. Un œuf au plat. Un œuf au plat. عجة بيض. Une omelette. Une omelette. من فضلك زبدية لبن ثانية. Encore un yaourt s'il vous plaît. Encore un yaourt s'il vous plaît. من فضلك بعض الملح والفلفل. Encore du sel et du poivre s'il vous plaît. Encore du sel et du poivre s'il vous plaît. من فضلك كوب ماء إضافي. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît.